L'homme planétaire a été tellement habitué à combattre, à améliorer sa condition humaine, que dans le domaine de la conscience, il essaie de faire la même chose. Mais le domaine de la conscience n'est pas le domaine de l'homme planétaire, c'est le domaine de l'homme cosmique. Donc, vos insécurités, vous devez les vivre jusqu'à temps qu'elles s'éteignent. Donc, vous devez en vivre la souffrance jusqu'à temps qu'elle ne soit plus. L'homme planétaire n'a aucun pouvoir contre son insécurité. Il peut la déplacer, il peut la transformer, il peut lui donner un autre visage, c'est tout. Mais il ne peut pas l'éliminer. Seul l'homme cosmique peut éliminer l'insécurité dans l'homme planétaire. C'est pourquoi, dans la phénoménalisation de l'homme réel, de l'homme futur, il est très important pour l'homme planétaire de vivre son insécurité jusqu'au bout de la vie. Et s'il s'empêche de la vivre, pour quelque raison que ce soit, et qu'il est mandaté par le double de connaître un jour d'autres dimensions, il est évident que le double poussera à l'insécurité, c'est-à-dire que le double créera des événements dans sa vie pour qu'il vive l'insécurité, pour qu'il la brûle dans la souffrance de sa conscience. Et toutes les expériences que vous vivez tous les jours dans toutes les conditions de vos vies sont la manifestation de ceci. Quand vous dites, j'ai eu une belle journée aujourd'hui, c'est de l'insécurité. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous dites, ah, ça a été bien aujourd'hui, vous vous prédisposez à aujourd'hui afin de confondre ce qui pourrait vous appeler demain. Alors, l'homme a développé un autre truc, il a dit, ah, ça va bien aujourd'hui, mais je. I knock on wood. Hein? Pour se protéger. Il n'y a rien dans la conscience planétaire de l'homme qui soit aussi subtil que l'insécurité. L'insécurité est la racine de tout ce qui fait, de tout ce qui compose l'homme planétaire. L'insécurité est le boulon qui bloque le canal de l'intelligence cosmique sur la Terre. Et l'homme ne comprend pas qu'il doit la vivre, son insécurité, jusqu'au bout, afin que le boulon sorte. Et il ne fait pas ça. Au lieu de faire ceci, il essaie de la transformer, de la contrôler, de l'arrêter. Impossible. Et plus vous serez conscient de ce mécanisme, plus vous pourrez voir l'insécurité chez les hommes, et vous verrez que l'insécurité fait partie de ce que nous appelons la conscience planétaire. La conscience planétaire est enveloppée d'insécurité. Tout sur la Terre est insécurité, à un niveau ou à un autre. Et lorsque l'homme commence à prendre conscience de ceci, il devient automatiquement créatif. Il devient créateur parce que il canalise quoi? Il canalise son énergie. Il canalise l'énergie de son double, qui est sur un autre plan. Autrement dit, il canalise une pensée cosmique. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le double? Le double, c'est une pensée. La pensée, elle est faite d'énergie qui est infinie. Donc, le double et la pensée étant un, l'intelligence créative de l'homme est infinie. C'est pourquoi l'intelligence créative de l'homme est infinie. Parce que le double est infini. Parce que le double est pensée qui est alimentée, créée, maintenue par l'énergie indifférenciée cosmique qui est infinie. Alors, c'est très normal que l'homme, sur le plan matériel, devienne un être créateur à travers lequel passent des fluides dont la manifestation dans la matière, sur le plan matériel, devient définie, à bout de fin. Et c'est ce qui crée dans le cosmos la possibilité de créer des évolutions qui sont sans fin. Parce que tout ce qui est double, tout ce qui est lumière, est infini. Mais dès qu'il y a insécurité, cette énergie ne passe pas. C'est pour ça que les hommes ont toujours l'impression de ne pas être à la hauteur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas l'impression d'être à la hauteur de ce qu'ils sont derrière la matière. Donc, ils n'ont pas l'impression d'être à la hauteur de l'intelligence qui est eux derrière la matière. Donc, ils n'ont pas l'impression de pouvoir sentir, vibrer à l'énergie de la pensée qui est eux derrière la matière. Donc, ils n'ont pas l'impression d'être total. Ils n'ont pas l'impression d'être parfait. Ils ne sont même pas capables de s'imaginer. Qu'est-ce que c'est être parfait? Ils ne sont pas capables de s'imaginer que c'est possible pour un homme dans la matière de se sentir parfait, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'insécurité chez l'homme pour qu'il puisse même commencer ou daigner s'imaginer qu'il est parfait. Il ne faut pas avoir aucune insécurité pour se savoir parfait. Un ego qui serait insécure et qui se serait parfait mourrait de crainte. Et c'est pourquoi l'homme a créé Dieu. Pourquoi l'homme a créé Dieu? Parce que l'homme est incapable de se réaliser comme parfait, a voulu projeter à l'extérieur de lui-même cette perfection, cet idéal qu'on appelait Dieu. Donc l'homme a créé un Dieu. Autrement dit, il a créé une pensée forme qui est un Dieu. Il a été emprisonné, prisonnier de ce Dieu pendant des siècles. Et aujourd'hui, à la fin d'un cycle où il doit réaliser que le Dieu qu'il a créé n'est pas là-bas, mais que ce Dieu, c'est lui. Il doit reviser totalement ses positions, donc il doit enfreindre les lois psychologiques de son insécurité, donc il doit détruire le sacré du spirituel, donc il doit détruire le temple qui a été érigé en lui, par lui, pour des raisons émotionnelles et mentales, un temple qui ne constitue en aucune façon la réalité de son être cosmique, un temple qui ne représente d'aucune façon les conditions qu'il a lui-même projetées dans son mental. Pour maintenir l'équilibre entre lui planétairement et lui cosmiquement, parce qu'il n'était pas suffisamment conscient pour pouvoir vivre cette tension inouïe qui naît de la réalisation que l'homme est Dieu. Autrement dit, que l'homme est parfait dans sa conscience qui n'est plus planétairement organisée, mais qui est cosmiquement imprimée sur son cerveau. Donc, l'homme a créé un Dieu par insécurité. Et ce Dieu est demeuré jusqu'à la fin du 20e siècle, et maintenant que l'homme doit le détruire, il devient encore insécure, parce que il a peur de détruire quelque chose dont il ne connaît pas la possibilité de conséquences sur sa psychologie insécure, une fois qu'il aura commis le geste mental d'avoir détruit la fondation du trône du Fils de l'homme pour l'érection dans le temps du trône du Fils de Dieu. Glenn me parlait hier et me demandait, il disait, le Nazaréen, il disait, parlait de son père. Alors, le père, pour le Nazaréen, est devenu le père pour les hommes, lorsqu'en fait, le père pour le Nazaréen, c'était sa volonté. Donc, c'était la volonté de son double. Donc, c'était la volonté de Dieu. Donc, c'était la volonté du Nazaréen. Et les hommes ont pris et se sont servis du père du Nazaréen pour se construire eux autres leur propre paternel. Et depuis ce temps-là, la famille des hommes est divisée. Le phénomène de l'insécurité de l'homme planétaire, c'est le phénomène le plus occulte, le plus inculte, le plus terrible qui existe dans l'expérience historique de notre civilisation, de nos tribus. C'est le phénomène le plus inouï. Parce que c'est un phénomène qui ne découle pas de l'intelligence. C'est un phénomène qui découle de la mémoire, qui découle de la crainte, qui découle de l'insécurité, qui découle de l'émotion, qui découle de la coloration de l'intelligence de l'homme par son émotion. C'est un phénomène existentiel. C'est un phénomène qui amène l'homme éventuellement aux portes de la mort. Je l'explique avec des mots, mais l'homme doit le vivre vibratoirement. La différence entre ce que je vous dis et ce que vous devez vivre est l'absolu. Moi, je ne suis là que pour vous indiquer les choses, mais vous, vous devrez les vivre. Alors, la relation entre l'insécurité, la transmutation et le double, c'est une relation absolue. L'insécurité sert au double et servira au double jusqu'à la fin des temps. Et la transmutation n'est que la collusion entre le double et la matière humaine, mentale, émotionnelle, vitale et physique. L'homme n'est pas sur le plan matériel. Mais tant qu'il a de l'insécurité, il a l'impression de l'être. C'est pourquoi il l'est. C'est l'insécurité de l'homme qui le garde dans la matière. C'est l'insécurité de l'homme qui donne à ses sens la prépondérance de l'orientation psychologique de son expérience mentale supérieure. C'est l'insécurité qui cache le réel. C'est l'insécurité qui empêche l'homme de voir la différence entre le monde astral et le monde de l'éther. Et c'est l'absence d'insécurité qui est la différence entre la cinquième et la sixième race. Vous pouvez rationaliser n'importe quoi. Aujourd'hui, vous pouvez rationaliser. Demain, vous pourrez rationaliser. Dans 5 ans, vous pourrez rationaliser. Dans un certain temps, vous ne pourrez plus rationaliser. Et quand vous ne pourrez plus la rationaliser, c'est parce que vous n'aurez plus le pouvoir subjectif d'utiliser au niveau de votre ego votre insécurité pour camouflager, pour cacher le visage de l'espèce de l'homme. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière le mur de votre matière, de vos émotions, de votre mental. À ce moment-là, vous serez ébloui par votre propre expérience et vous reconnaîtrez ce que les anciens ont connu lorsqu'ils se sont écriés que la lumière soit et que la lumière fut. Mais lorsque l'homme dit que la lumière soit, il faut qu'elle soit dedans. Et lorsqu'il est dedans, elle fut. Et lorsque l'homme aura compris la relation entre les paroles anciennes qui témoignent de la création, l'homme à ce moment-là pourra comprendre le mystère de la création et réalisera que lorsqu'il a été dit que la lumière soit et que la lumière fut, ce n'était pas un dicton ou ce n'était pas une parole qui imprimait dans la conscience de l'homme le phénomène de la création en fonction de ses origines, mais que c'était un phénomène qui imprimait dans la conscience de l'homme la réalisation chez la part de celui qui a pu manifester ses paroles, la concrète réalité que l'homme est un dieu et que ce dieu est cosmique et que tout ce qui est cosmique n'est pas régi par les lois de la création. Ce qui est cosmique n'est pas régi par les lois de la création. Donc, les lois de la création sont régies par des mondes, par des royaumes inférieurs qu'on appelle le monde de l'astral. En dehors du monde de l'astral, la création n'existe pas. Il n'y a pas de création dans l'éther. Il n'y a de création qu'à partir de l'astral vers les pays, les plans inférieurs comme celui que nous connaissons. La création n'existe pas dans l'éther. Mais pour que l'homme réalise que la création n'existe pas dans l'éther, il ne faut pas qu'il y ait d'insécurité psychologique. Parce que s'il a l'insécurité psychologique, il va se dire, ben, où est-ce que je vais, moi? Il va s'inquiéter d'un lieu, il va s'inquiéter d'un espace. Pourquoi? Parce qu'il aura conçu dans son inquiétude que la réalité de l'homme, la continuité de sa conscience à travers le mur, au-delà du mur de l'espace et du temps, n'est pas une continuité telle qu'il la voit aujourd'hui, mais est une continuité telle qu'il la saura demain lorsque la lumière est. À ce moment-là, l'homme connaîtra les mystères de la création, l'homme connaîtra l'alpha et l'oméga, et l'homme réalisera que la création a été instituée par les forces astral-luciferiennes pour maintenir sur la Terre, pendant un certain temps, des conditions suffisantes au développement d'un corps mental, d'un corps astral, d'un corps vital et d'un corps matériel, pour la continuité sur les plans inférieurs d'une volonté qui vient et d'une intelligence qui vient de pays beaucoup plus supérieurs à la constante énergétique que nous connaissons comme étant la galaxie ou que nous connaissons comme étant le monde sidéral. Nous avons de la difficulté parce que nous sommes des êtres qui pensons, parce que nous sommes des êtres qui vivons d'insécurité, nous avons de la difficulté à concevoir l'infinité de l'énergie. Nous avons de la difficulté à concevoir l'infinité de la conscience et nous voulons toujours participer à la conscience parce que nous avons peur d'être totalement éliminés de l'expérience ou de la conscience expérimentale. Parce que nous sommes soufflés de, nous sommes remplis de, nous sommes faits de conscience expérimentale. L'homme est fait de conscience expérimentale. Et étant fait de conscience expérimentale, il n'est même pas capable de s'imaginer qu'il n'est pas possible à l'homme réel, à l'homme conscient, de subir la moindre influence de la conscience expérimentale. Donc, il ne peut même pas s'imaginer que être un homme, être homme ou être réel, ne convient aucunement à son insécurité psychologique. Si vous mettez un miroir ici et que vous vous regardez dans le miroir, supposons que vous aviez une nature inférieure, moins intelligente. Vous regarderiez dans le miroir et vous verriez quelqu'un là et ce quelqu'un serait réel pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes plus intelligent et vous regardez dans le miroir et vous savez très bien que ce quelqu'un, c'est une réflexion de vous. Demain, vous regarderez dans un miroir qui sera l'éther, et vous serez obligé de réaliser que ce quelqu'un que vous voyez, c'est vous, et que la personne qui est ici n'est pas vous. C'est ça la conscience cosmique de l'homme. Alors, tant que vous ne serez pas capable de faire le saut à partir de ceci à cela, vous serez encore des êtres inconscients. Vous aurez de l'insécurité, parce que c'est votre insécurité qui vous empêchera de faire le saut. Pour avoir une absence totale d'insécurité, pour passer de cet état à cet état. Quand vous serez capable de le faire, à ce moment-là, vous serez dans l'éthérique. Ceci ne veut pas dire, in the meantime, que vous ne pouvez pas vous amuser. Bien au contraire. Si, pour en arriver à constater cette partie, vous devez rompre des conditions psychologiques ici qui sont fondées sur l'insécurité, il faudra que vous vous amusiez. Parce que l'homme planétaire ne connaît pas les lois de l'intelligence. Il ne connaît pas les lois du double. Donc, il vit toujours selon une programmation ici. Il ne faut pas qu'il s'amuse trop. Il faut qu'il se spiritualise. Qu'il se voit bon garçon. Ainsi de suite. Alors, l'homme vit toujours selon des lois qui sont des programmations. S'il avait conscience de ceci, il pourrait vivre ici, selon les lois d'ici. À ce moment-là, la vie serait pour lui, en attendant, très intéressante. Mais ceci détruit totalement l'insécurité. Ou ceci requiert qu'il n'y ait aucune insécurité, ou une partielle destruction de l'insécurité. Quand on va trinquer dans un club, hein? C'est pas pour rien le club. Il sert en maudit le club. L'homme est insécurité. Il est insécurité. Il est insécurité. Absolument, l'homme. Planétaire. C'est la mesure de lui-même. Et dans l'insécurité, il a la fausse sécurité. Et il y a l'insécurité. Autrement dit, dans l'insécurité, il y a la vérité et le mensonge de la sécurité. Si on se sent sécure, c'est le mensonge de l'insécurité. Si on se sent insécure, c'est la vérité de l'insécurité. Donc, la vérité et le mensonge, l'énergie négative ou l'énergie positive, font partie de l'expérience planétaire de l'homme. D'un côté ou d'un autre, on est farci. Si je dis qu'il y a une relation directe entre la transmutation et l'insécurité, je vous dis la chose probablement la plus importante que je ne vous ai jamais dit. L'insécurité vous empêche de parler. L'insécurité vous empêche d'être vous-même. L'insécurité vous empêche d'absorber des pensées qui sont plus grandes que ce que vous pouvez digérer. L'insécurité vous fait chercher à vous convaincre que ce que vous savez est réel. L'insécurité vous fait rechercher la vérité. L'insécurité vous fait craindre le mensonge. Lorsque vous n'aurez plus d'insécurité, vous serez aussi à l'aise avec le mensonge que la vérité. Mais l'homme a peur du mensonge plus que de la vérité parce que la vérité a servi à créer une civilisation tandis que le mensonge sert à la détruire. Donc l'homme veut créer, constater ou contenir ou conserver sa civilisation, c'est normal. Mais l'homme ne réalise pas que le mensonge sert autant dans le jeu des forces que la vérité. Donc, lorsque vient le temps pour la destruction d'une civilisation, le mensonge est plus nécessaire que la vérité. Alors, nous avons des types comme Staline, nous avons des types comme Hitler. Si nous avions seulement des Nazaréens, il n'y aura pas de fin de cycle. Et ce temps-là n'est pas arrivé. L'homme découvrira au fur et à mesure qu'il perdra son insécurité qu'il n'y a aucune allégeance en lui possible. L'homme n'a aucune allégeance. L'homme réel n'a aucune allégeance. Ça n'existe pas, l'allégeance. L'allégeance à une vérité ou au mensonge, ça n'existe pas dans la réalité de l'homme cosmique. Ça existe dans la réalité de l'homme planétaire. Dans la réalité de l'homme cosmique, ça n'existe pas. Moi, je passe ma vie à compter des mensonges. Pour forcer les gens à se dissocier de la vérité, je suis obligé de le faire. Mais ce sont des mensonges intelligents qui peuvent être corrigés. Si je disais simplement des vérités à ce moment-là, je créerais un gros mensonge. Alors, il faut faire la part des choses. Il faut se servir de l'énergie positive, de l'énergie négative et de faire une synthèse. Et ça, c'est le double qui peut le faire. C'est ça qui détruit chez l'homme l'insécurité. Quand on va dans un club, on va dans un endroit, dans un espace où le mensonge maintient la forme. C'est le mensonge qui maintient la forme dans un club. C'est le mensonge. Un club n'est pas maintenu par la vérité. Il est maintenu par le mensonge. Alors, si vous amenez un homme qui cherche la vérité dans un club qui est maintenu par le mensonge, il est évident qu'il va passer des expériences particulières. Donc, il apprendra à se moins soucier de la vérité et éventuellement pourra bénéficier un peu du mensonge du club pour devenir un petit peu plus sécure en lui-même. C'est ce qui s'est produit dernièrement. Un des plus grands pièges de l'insécurité sur la planète, sur notre planète, dans le cadre de notre civilisation, dans le cadre de l'involution en général, le plus grand piège de l'insécurité, c'est le fait. Que l'homme cherche à connaître. Le phénomène de chercher à comprendre. Le phénomène de chercher à comprendre, c'est le plus grand piège de l'insécurité. Autrement dit, l'insécurité, si vous prenez l'insécurité comme une noix, ou l'enveloppe d'une noix, à l'intérieur, il y a un noyau. Et ce noyau-là, c'est la recherche chez l'homme, l'effort d'essayer de comprendre. Le phénomène d'essayer de comprendre, c'est le plus grand piège de l'insécurité et c'est à la base du phénomène d'insécurité chez l'homme. Essayez, aussitôt que vous essayez de comprendre, ça vient de l'insécurité chez l'homme. Parce que c'est équivalent à l'homme planétaire d'être l'homme cosmique. La partie planétaire qui est faite du mental inférieur, de l'émotionnel, du vital et du physique, veut être équivalent à la partie qui est cosmique. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce qui a créé dans l'évolution ce que nous appelons la civilisation, nos systèmes d'éducation, et ainsi de suite. Le plus grand piège de l'insécurité dans l'évolution, au cours de l'évolution, c'est l'effort chez l'homme planétaire d'essayer de comprendre. C'est pour ça que l'homme planétaire n'est pas capable de comprendre, qu'il n'y a rien à comprendre, parce que quand je dis qu'il n'y a rien à comprendre, je m'adresse à l'homme planétaire. Ça, c'est le plus grand piège de l'insécurité. C'est la fondation même du phénomène polarisé de la vérité du mensonge, qui crée l'anxiété existentielle, qui crée la tension émotionnelle entre mental et émotionnel, et qui crée la dispersion de l'énergie cosmique de l'homme à travers ces centres-là. Et cette dispersion-là, on appelle ça de l'éducation. Puis ça, il y a seulement l'homme cosmique en vous qui peut vous dire ça. Jamais l'homme planétaire ne pourra le penser. La partie cosmique dans l'homme qui peut lui dire ça. Et cette illusion, pas cette illusion, j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le piège. Ce piège-là, il est tellement grand, il est tellement parfait que l'homme n'est pas capable de le voir. L'homme planétaire n'est pas capable de le voir parce que ce piège-là est à la mesure de la conscience mentale de l'homme planétaire. Autrement dit, la conscience mentale de l'homme planétaire, elle est faite de l'existence de ce piège-là. Cherchez à comprendre. L'homme planétaire ne réalise pas qu'un jour, il doit être fusionné ou unifié à l'homme cosmique pour pouvoir canaliser ce que l'homme cosmique sait. Pour qu'il en arrive un jour à avoir la connaissance infuse. Ayant la connaissance infuse, mais il n'y a plus besoin d'essayer de comprendre. Il n'y a plus besoin de rechercher. L'homme cosmique lui dicte les lois de la vie, les lois de la matière, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie à ce moment-là chez l'homme planétaire. Donc, le mental intérieur ne sert plus qu'à une chose, qu'à absorber l'énergie de l'homme cosmique pour la canaliser dans le monde. Le corps astral ne sert qu'une chose, à absorber l'énergie de l'homme cosmique pour la manifester dans le monde. Le corps vital est la partie inférieure de l'homme cosmique dans le monde. Et le corps matériel, c'est le plan sur lequel se manifestent les énergies diffusées par les corps subtils. Il n'y a plus d'insécurité. Si l'homme planétaire réalise, ou quand l'homme planétaire réalise ceci, il commence à moins s'inquiéter. L'inquiétude psychologique de l'homme planétaire naît du fait qu'il essaie de comprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se produit s'il essaie de comprendre quelque chose? Comme il ne peut pas le comprendre parfaitement parce qu'il n'est pas conscient parfaitement, comme il ne peut pas vivre sa vie parfaitement parce qu'il n'est pas suffisamment conscient, il vit une certaine anxiété parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et quand je dis qu'il n'y a rien à comprendre, je ne veux pas dire que l'homme cosmique n'est pas capable d'expliquer à travers l'homme planétaire ce qu'un homme planétaire peut lui demander. Mais je dis que l'homme planétaire qui demande quelque chose à un homme qui véhicule son énergie à travers ses centres inférieurs, va penser que lui comprend quelque chose. Il y a bien des gens qui pensent que moi, je comprends beaucoup de choses. Je comprends rien. Je peux expliquer beaucoup de choses. Mais moi, je comprends rien. J'ai pas de mémoire. Il faut avoir de la mémoire pour comprendre quelque chose. Quand t'as pas de mémoire, tu comprends rien. Mais t'as pas besoin de comprendre si tu fonctionnes d'une façon unifiée avec la partie de toi-même qui est pas régie par les lois planétaires. T'as plus besoin de rien comprendre. Elle va te le dire. Tu n'as pas besoin de chercher. Elle le sait. Donc, l'homme planétaire doit s'habituer à concrétiser dans son expérience le vide qui est cosmique à travers son expérience mentale, son expérience émotionnelle. Il faut que l'homme planétaire puisse transposer dans son expérience inférieure planétaire le vide qui déjà existe au niveau de l'homme cosmique. À ce moment-là, l'homme planétaire ne vit plus subjectivement son corps astral dans une émotivité désordonnée. Il ne vit plus mentalement son corps mental dans une activité cérébrale désordonnée. Il ne vit plus son corps vital comme il la vivait avant, comme ayant un effet constant sur lui à cause de la mentation et de l'émotion, ce qui rend l'homme malade, et ainsi de suite, tout ce qu'on connaît. Fait que finalement, l'homme planétaire, sur le plan physique, vit bien. Mais l'intérêt que l'homme planétaire a pour la connaissance, c'est un intérêt qui naît de quoi? Qui naît de sa liaison avec le monde astral. Et la liaison de l'homme avec le monde astral naît de la connexion entre l'homme, au niveau de sa mémoire, avec la mémoire de l'humanité, avec l'influence astrale à travers la mémoire de l'humanité qui devient la mémoire de l'homme. Donc, naturellement, l'homme cherche à arriver à la source, mais à la source de quoi? Il cherche à arriver à l'origine du monde astral. Parce que c'est seulement dans le plan astral, dans le monde luciférien, que l'origine existe. Et c'est la recherche d'origine chez l'homme qui fait qu'il a le désir ou l'intérêt de comprendre quoi que ce soit. Si l'homme allait au-delà de l'origine du monde astral, au-delà de l'origine créée par des hiérarchies qui sont essentiellement anti-hommes, pas dans un sens moral, mais anti-hommes dans le sens qu'elles sont... Elles ont pour but de constituer l'homme planétaire. À ce moment-là, l'homme comprendrait qu'il n'a rien à découvrir en connaissant ou en recherchant l'origine des choses. L'origine des choses, elle est aussi réalisée ou réalisable par le double qu'elle peut l'être par l'investigation astrale de l'homme. Le double connaît beaucoup plus l'origine du monde astral que les entités ou les influences ou la mémoire d'âme ou la mémoire de l'humanité qui est le monde astral. Puisque tout ce qui a été créé est le résultat de la sortie de l'espace absolu pour la création. Donc, le double venant des espaces qui sont en dehors de la création, le double est déjà essentiellement à l'origine de toute chose. Et c'est ce double-là que l'homme doit connaître. Et lorsque l'homme connaît ce double-là, il n'est plus capable, il n'est plus intéressé à chercher quoi que ce soit. Donc, il se désinvestit de l'expérience historique de l'humanité, de l'homme évolutif. Il se désinvestit du phénomène de celui que j'ai dit à toi, l'insécurité psychologique. Il y a une relation directe entre l'insécurité psychologique et rechercher, comprendre. Il y a une relation directe, directe, directe, directe, directe. Elle est directe. C'est pour ça que les animaux sont bien. Mais ils n'ont pas notre faculté. L'homme doit devenir un animal intelligent. Au lieu d'être un animal éduqué. Ils disent que l'homme, c'est un animal intelligent. L'homme, c'est pas un animal intelligent, c'est un animal éduqué. Tu peux éduquer un singe. Tu peux éduquer un chien. Tu peux, si on n'a pas notre corps mental. Tu peux éduquer un homme plus. Tu peux éduquer un maroquin. Mais il ne s'agit pas d'éduquer l'art. Il s'agit que l'homme devienne intelligent. Une fois que l'homme est intelligent, il est automatiquement éduqué. Puis on a eu des expériences dans les annales psychiques. Edgar Cayce, il se promenait, il était dans un petit village une journée, il allait acheter quelque chose dans une grosserie. Puis la personne qui était là, la marchande, C'est un espagnol. Il est rentré dedans, il a parlé espagnol, puis il est sorti. Peut-être t'as pas éduqué en espagnol. Il était. Déjà. Puis quand il a réalisé ça, il était tout énervé. Aussitôt que l'homme prend conscience que l'homme devient intelligent, il est bouleversé. On est bouleversé quand on est intelligent. Quand on est éduqué, si on aime ça, ça nous flatte. Les doctorats, on les met ses murs dans nos bureaux. Pis tout. On est content de montrer qu'on est éduqué. Mais aussitôt qu'on est intelligent, si on le cache dans le bureau, on ne dit pas par ça. Parce que quand tu es éduqué, tu n'as pas de responsabilité envers l'homme. Mais quand tu es intelligent, là, tu as une responsabilité envers l'homme. Quand tu es éduqué, tu dis des choses que tout le monde a déjà entendues. Mais quand tu es intelligent, tu dis des choses que personne n'a jamais entendues. Fait que là, t'es tout seul. Tu peux pas aller voir la fraternité. C'est mauditement délicat d'être intelligent. Et éduqué, c'est pas délicat partout. Mais d'être intelligent. Moi, je m'amuse. Des fois, je rencontre des gens. Des fois, je rencontre des mathématiciens. Je commence à discuter, de parler de mathématiques avec eux autres. Puis ils disent, quelle place que tu as étudié, patata. Surtout quand je commence à discuter des noms imaginaires, là. Des fois, je fais exprès. Je suis allé jusqu'à la quatrième année. Ça, je le corrige. Ça, je suis allé jusqu'à la douzième. C'est énorme. Parce qu'ils n'ont pas appris ça à l'école. Fait que l'homme qui est éduqué, si tu le déséduques, il va se sentir caduque. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu prennes la responsabilité des morceaux, des éclats, de verre. C'est pas facile d'être intelligent. C'est quasiment une œuvre. Parce que quand t'es éduqué, tu sais ce que tu vas dire. Quand t'es intelligent, tu sais pas. Y en a-tu qui sont dans la conférence hier? À Montréal, à Glen? Tu sais, quand j'ai parlé de la France? Le monde, ils n'ont pas tout compris ce que j'ai dit. Hein? Ça a créé des flamèches. Fait que, quand t'es intelligent, tu sais pas ce que tu vas dire. T'es jamais safe quand t'es intelligent. Il y a toujours du feedback. Faut que tu sois assez fort pour l'apprendre. Faut que tu aies assez de patience pour rire. Pour réorienter ce qui était mal compris. Moi, j'ai bien dit que la France, c'est une putain. J'ai pas dit que la femme, c'est une putain. Il y en a bien qui ont compris que c'est la femme, c'est une putain. Ça, c'est une insécurité. Moi, je sais bien, quand je vois des conférences, je me dis dans ma tête, ça va-tu bien aller à soir? Là? Ça me répond oui, je suis correct. Des fois, ça me répond oui, là, je sais que va être amant. Fait que qui c'est qui prend le tas, c'est moi? Je suis pas capable de prendre le tas, je suis pas capable d'être intelligent. Ça va arrêter à un niveau. C'est subtil. C'est pas bête ton affaire, Pantone. C'est pas bête. Puis t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. C'est mon insécurité qui demande. C'est subtil, hein? C'est mon insécurité qui fait demander si ça va bien aller à soi. Mais c'est une autre sorte d'insécurité. C'est l'insécurité. C'est pas une insécurité psychologique. C'est l'insécurité de la souffrance. Parce que l'homme, un homme qui est conscient ne veut pas souffrir. Mais l'homme est obligé de souffrir à cause des conditions de vie. Alors, je suis obligé de souffrir certaines choses. Mais quand tu es intelligent. Donc, tu t'arranges pour souffrir le moins possible. Donc, si tu demandes, ça va-tu bien aller, ça va être un oui. À ce moment-là, tu es obligé de t'assurer que ça ne sera pas trop. Oui! Autrement dit, que ça va mal, il faut que ça soit supportable.